Dans quelle situation le conducteur est-il le mieux placé? La situation numéro 1, réponse A. La situation numéro 2, réponse B.